Bienvenue à Mélomanes sur les ondes du 99.1 et 88.9 CFNJ-FM ou encore en direct sur CFNJ.net de partout dans le monde. Mathieu Lajoie au micro en ce 18 septembre 2019. Très content de vous retrouver ce soir parce qu'on a tout un programme à venir. En effet, il me fait plaisir de vous présenter la 10e édition du Radio Pirate Mélomanes. Il y en a peut-être qui se rappellent de quoi il s'agit, mais pour les autres, ou juste question de se rafraîchir la mémoire un peu, eh bien, un radio pirate, c'est quand on sort des sentiers battus un peu. C'est un prétexte de faire jouer ce qu'on n'a pas le droit de faire jouer à la radio, entre guillemets, bien sûr. Ça fait référence à ces fameuses stations de radio illicites qui, majoritairement dans les années 60, se rendaient en eau internationale pour émettre sans autorisation une musique qui souvent était à l'index. Donc, vous ne serez pas surpris si je vous dis que ça va graffiner un peu par moment ce soir. Mais faut pas trop avoir peur non plus parce que entre autres, il y aura plein de belles découvertes issues de la relève québécoise ce soir, des trucs carrément inédits que vous avez jamais entendus. Je répète, jamais entendus à la radio. Et je pèse mes mots, donc ça vaudrait vraiment pas la peine de s'arrêter d'écouter parce qu'il y a une seule pièce qui vous rebute un peu ou que c'est moins votre style. De toute façon, vous le savez, la règle change pas. À Mélomanes, on sait jamais ce qui va suivre. Toujours plein de surprises. En fait, je vous dis ça parce que c'est pas mal la première chanson qui déménage le plus, je vous dirais. Parce qu'on écoute un groupe qui nous vient d'Australie et qui, un peu à l'instar de Mélomanes, nous sort toujours quelque chose à quoi on s'attend pas à chaque album. Bref, on reparle tantôt de tout ça. On passe ça à Radio Pirate Mélomanes, 99.1 et 88.9 CFNJ. laying on the ground. Oh, not a lot of people left around. Oh, oh. Au 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomanes avec Mathieu Lajoie. My mom's late, so I had to plan my escape out. Skins in this world, the fly girls. Hang a ray of Hennessy until I call Earl. 10 months in this gut, what the fuck? I wish Mars would hurry up so I could get fucked. Wild juvenile ripping mics and shit. New York, New York, ready for the likes of this. Then came the worst date, May 21st. 2019, that's when my mama water burst. No spouse in the house, so she rolled herself to the hospital to see if she could get a little help. Umbilical cords wrapped around my neck. I'm seeing my death, and I ain't even took my first step. I made it out, I'm bringing mad joy. The doctor looked and said he's gonna be a bad boy. Me all the respect to all the gunman them. Gunman alone keep gunman friends. Firebun, me all the informer them. Smoking blunts, making cream. On the drug scene, fuck the football team. Risk it, rock the spleens by the age of 16. Hearing the coach scream ain't my lifetime dream. I mean, I wanna blow up, stack my dough up. So school, I didn't show up and fuck my flow up. Mom said that I should grow up and check myself before before I wreck myself. Disrespect myself, put the drugs on the shelf. Nah, couldn't see it. Scarface, king of New York, I wanna be it. Rap was secondary, money was necessary. Until I got incarcerated, kinda scary. C-74, Mark 8, set me straight. Not able to move behind the great steel gate. Time to contemplate, damn, where did I fail? All the money I stacked was all the money for bail. Me all the respect to all the gun man them. All of the gun man them, keep on man friend. I'm my friend, I'm my friend, I'm my friend. Inform of them, inform alone, keep inform of them. Me all the respect to all the gun man them. Gun man alone, keep gun man friend. I'm in on one, me all the inform of them. We are the inform alone, keep inform of friend. 94, now I explore new horizons. Mama smile when she see me, that's surprising. Honeys is tantalizing, they freak all night. Keep ducking cops on the creep all night. As I open my eyes and realizing I changed, not the same deranged child stuck up in the game. And to my niggas living street life, learn to treat life to the best. Put stress to rest, still tote your vest, man. Niggas be tripping in the streets without a gap. Nah, nigga, you slipping. If I'm dipping on the F with weed on my breath, original hustler with the muffler on the tech. Respect to the max and the axe, to the freaks and the jeeps. Lick shots to my beat. Me all the respect to all the gun man them. All of the gun man them, keep gun man friend. I'm my friend, I'm all the inform of them. Inform alone, keep inform of them. Me all the respect to all the gun man them. Gun man alone, keep gun man friend. I'm in on one, me all the inform of them. We are the inform alone, keep inform of friend. Now this is Diana King going a young thing. I'm big and small swing. Do it, job. Have mercy. The gunman in a the party. And everybody feel irate. And everybody just follow me, follow me, follow me. Have mercy. They wanna win at the party. And everybody look irate. Now the man them sexy, sexy, sexy. Do it. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse, une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent, et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Et je crie de douleur, de fureur et de rage, et je pleure. Et est traînée par la foule qui s'élance et qui danse. Une folle farandole, je suis emportée au loin. Et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole. L'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais retrouvé. Et toujours en plein Radio Pirate Mélomane ce soir sur les ondes du 99.1 et 88.9 CFNJ. Je vous l'avais dit, ça part dans toutes les directions ce soir. Et un bloc qui vient de s'achever avec Reckless Eric et son classique Whole Wild World de 1977, année qui a été décrétée année du punk par excellence. Une chanson précédée ici d'un remix assez particulier de la foule de nul autre que Madame Piaf en personne. Un remix très populaire dans les dernières années sur tout ce qui s'appelle SoundCloud et compagnie. En fait, il s'agit d'un duo qui se nomme Palm Therapy Sounds et le remix qu'on a entendu ici et qui date de 2016 nous a été concocté par le DJ marocain Deep Soul de son vrai nom Salim Essalmi qui s'amuse comme ça à remixer des gros classiques de la chanson française. Comme toujours, quand il s'agit de remix, certains crieront au scandale, à l'hérésie, tandis que d'autres seront tout simplement amusés. C'est pas un secret pour personne que je préfère souvent l'original à toute autre prise, mais je pense que ça fonctionnait quand même bien dans le cadre d'un radio pirate qui tire dans toutes les directions. D'ailleurs, juste avant, un des rois incontestés du rap new-yorkais, Feu, Christopher Wallace, alias Biggie Smalls, alias Notorious B.I.G., en compagnie de Diana King, chanteuse jamaïcaine, pour Respect sur le légendaire Ready to Die de 1994. D'ailleurs, c'est avec ce duo-là que Diana King va se faire connaître pas mal. On va aussi la connaître plus tard pour sa reprise d'I Say a Little Prayer, composition de Burt Bacharach dans le film Le mariage de mon meilleur ami, pour ceux qui se souviennent. Et voyez-vous, on parle encore de Burt Bacharach, on y revient tout le temps, on en a parlé la semaine passée. Comme je disais, on serait dû pour un petit spécial Burt Bacharach. Vous seriez surpris de toutes les chansons que vous connaissez de lui parce qu'on en connaît beaucoup. Bref, ça sera une chose à venir. Et sinon, ben juste avant ça, on a entendu un excellent groupe du nom de Cage the Elephant avec Shake Me Down de 2010, le tout précédé du fameux groupe australien dont je vous parlais tout à l'heure, une sensation en ce moment sur la scène indépendante, King Gizzard and the Lizard Wizard, un groupe assez difficile à définir qui s'est fait connaître, entre autres, en utilisant des guitares microtonales, ce qui veut dire, grosso modo, qu'on sépare le demi-ton en deux pour faire un quart de ton, ce qui ferait qu'il y aurait une autre note entre un do et un do dièse, par exemple. Bref, une chose assez rare qu'on n'a pas souvent vue dans un format rock ou pop, disons. Ça s'était plus vu, en fait, dans le classique d'avant-garde ou la musique indienne, par exemple. Donc, quand même assez unique. Un groupe très prolifique aussi qui a sorti 5 albums en 2017 seulement et qui, en plus, change de style un peu à chaque album. Pas trop le choix, en fait, de se renouveler dans ce temps-là quand on sort 5 albums en un an. D'ailleurs, ce qu'on a entendu, ça vient tout juste de sortir cette année, un album sur lequel ils ont décidé d'y aller à la sauce thrash, metal, très Bay Area, San Francisco. On pense entre autres à du vieux Exodus, du Slayer ou du vieux Metallica, même du vieux Voivod un peu qu'on entend là-dedans. Donc, une chanson qui s'appelait Self-Immolate de King Gizzard and the Lizard Wizard. Et nous, ben, on y retourne plein d'autres choses à venir encore, mais complètement différentes en cette 10e édition du Radio Pirate Mélomane. Au 99.1 et 88.9 CFNJ. I wake up

99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomanes avec Mathieu Lajoie. J'sais ben, t'as pas de laisse au cou, ni des mains. Mais faut ben que je m'attache à quelque part si tu m'aimes. Mais sans fin, les histoires dans ma tête, à n'en perdre mes amis. Tes empreintes figées dans ma mémoire, où la guerre m'envahit. D'avoir envie de te voir malgré tout. Je suis restreint à garder comme espoir que c'est moi le fou. Quand j'éveille que derrière tes beaux yeux y a un trou noir où même moi le plus peureux des loups, je perds tout. Je suis tout à l'envers pour me retrouver dans mes repères, comme si sans pied sous terre, puis juste toi comme pièce d'air pour remonter dans ma toujours sur les ondes du 99.1 et 88.9 CFNJ en pleine radio pirate mélomane. Et quand je vous parlais de choses que vous aviez jamais entendues à la radio tantôt, ben ça vient tout juste d'arriver, mesdames et messieurs. On vient d'entendre Félix Granger, un auteur-compositeur de la région, et quand je dis région, Saint-Gabriel-Joliette, pour être plus précis, que je considère comme un des plus prometteurs que je connaisse, et je pèse mes mots, un gars qui a fait partie de plusieurs formations, dont Éléphant Rose, un petit peu plus, un projet un peu plus stoner, un peu, où vous avez peut-être déjà vu passer Phil Fou aussi, mais là, c'est sous son nom à lui, tout simplement, qu'on vient de l'entendre avec La Laisse, magnifique composition qui date déjà de 2016. Donc, un nom à retenir, Félix Granger, que je vous invite à découvrir sur Bandcamp. Plein de belles choses plus récentes encore là-dessus. Je voulais vous mettre celle-là parce que je l'aime beaucoup. Je vous laisserai le lien sur le groupe Facebook Méloman, groupe auquel je vous invite à adhérer, d'ailleurs, pour plein de petites exclusivités comme ça. Et parlant de groupe, évidemment, on en a entendu un autre pas piqué des verres juste avant. Encore une fois, un groupe issu de la relève québécoise, très inventif, très mélodique. On a entendu Zouz avec Orchidée, tiré de leur deuxième EP. Un EP qui veut dire mini-album de 2018. Un groupe formé de David Marchand, Francis Ledoux et Étienne Dupré. Zouz que je vous encourage encore une fois à découvrir. Donc, qui était précédé ici d'un groupe quand même pas mal plus connu, par contre, québécois, encore une fois, mais à leur tout début, en 2005, tiré de leur album « Les tremblements s'immobilisent ». On a entendu nul autre que Carquois. Et juste avant ça, on a entendu, en fait, avec La Fuite. Par contre, je m'en ai dit, je n'avais pas dit le titre de la chanson. Et juste avant ça, ben, tout nouveau, tout chaud, ça vient tout juste de sortir. Un énième projet pour Monsieur Mike Patton qu'on connaît de Faith No More, Mr. Bungle, Fantomas, Tomahawk, Lovage. Et là, vraiment, j'en passe, la liste est très, très longue. Donc, Mike Patton, qui cette fois-ci se retrouve avec Jean-Claude Vanier, le gars derrière le mythique Histoire de Melody Nelson de Serge Gainsbourg. Et on pourrait arrêter la liste là, ça serait déjà incroyable, mais non, c'est un gars qui a travaillé avec tout le monde, de Barbara à Brigitte Fontaine, à Bachung, Beco, Julien Clerc, Dalida, Yves Dutheil, en passant par Claude François, France Gage, Juliette Gréco, Françoise Hardy, Jacques Higelin. Et là, je vous le dis, vous comprenez sûrement que la liste s'allonge encore parce que Jean-Claude Vanier a été et encore un arrangeur et un compositeur très en demande. Et c'est pour ça qu'on le retrouve ici, aux côtés de Mike Patton, pour un album qui vient tout juste de nous pondre. Vous irez écouter ça, c'est assez spécial comme tout ce à quoi M. Patton touche. Ça s'appelle Corpse Flower et on a entendu la pièce titre en exclusivité à Méloman, chers amis. Et tout ça qui avait débuté avec Redbone de Childish Gambino de 2016. Et nous, on y retourne avec quelques petits clins d'œil aux années 90, toujours au 99.1 et 88.9 CFNJ. Bye. 99.1 et 88.9 CFNJ. Vous écoutez Mathieu Lajoie. When you were here before, you couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You flow like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so very special, but shoot. the bow-legged one. Yeah. What's your name? Damn thing. That sounds sexy. Here I go again. Girls, what's my weakness? Okay, then chilling, minding my business. Yo, so I looked around and I couldn't believe this. I swear, I stand, my niece, my witness. The brother had it going on with something kinda wicked. Had to kick it. I'm not shy, so I asked for the digits. I hope no, that don't make me see what I want. Slip, slide to it, flip it. Felt it in my hips, so I dip back to my bag of tricks. Then I flip forward, tip, made me wanna do tricks. Gonna lick them like a lollipop should be lit. Came to my senses and I chill for a bit. Don't know how you do the voodoo that you do so well. It's a spell, hell makes me wanna shoot. You're packed in your stack, especially in the back. Brother, wanna thank your mother for a butt like that. Can I get some fries with that shake? If looks could kill, you would be an Uzi or a shotgun bang. What's up with that thing? I wanna know, how does it hang? Straight up, wait up, hold up, Mr. Lover. Like Prince said, you're a sexy mother. Well, I like them real wild. B-boy style by the mile. Smooth black skin with a smile, bright as the sun. I wanna have some fun. Come and give me some of that yum yum chocolate chip honey dip. Can I get a scoop? Baby, take a ride in my coupe. You make me wanna cause it's time to have pep. On your mark, get set, go, let me go, let me shoot to the next man in the three-piece suit. I spend all my dough, Ray me cutie, shoot shoo-ba-doobie, like Scooby-Dooby-Doo. I love you in your big jeans, you give me nice dreams, you make me wanna scream, ooh, I like what you do, when you do, what you do, you make me wanna shoot. Coming this way, ooh. S and the P wanna get with me, cool, uh-huh. But I'm wicked G. Yeah. Hit skins, but never quickly. Right. I hit the skins for the hell of it, just for the yell I get, for the smell of it. You want my ball, here's the hot rod. Hot 12 rod. Inches to a yard and have you sounding like a retard. Yeah. Big 12 of a 6'2", wanna hit you. So what you wanna do? What you wanna do? I wanna make foolish people do. frontière. Pour les prochaines heures, c'est un ciel dégagé, minimum de 4 à 6 degrés. Généralement ensoleillé jeudi, maximum de 22 à 23. Et alternance de soleil et de nuages vendredi et samedi, maximum de 23 à 25 degrés. CFNJ 89.1 88.9. Toujours en pleine 10e édition du Radio Pirate Méloman, un format où on s'en permet un petit peu plus, vous avez sûrement remarqué, mais ça ne nous empêche pas de faire plein de découvertes quand même. D'ailleurs, je suis assez fier de constater moi-même que la part du lion revient à la relève québécoise ce soir. On vient tout juste d'entendre Garnotte avec Micro-ondes, tiré de leur excellent premier EP sorti en 2018, que je vous encourage vivement à découvrir. C'est bon d'un bout à l'autre. Garnotte, qui est un groupe qui tire un peu plus vers le rock progressif, de très bons musiciens, ça prend ça pour du prog. Donc, voyez-vous, la scène québécoise est en très bonne santé en ce moment. Ça vaut vraiment la peine de fouiller un peu, d'aller les voir en concert et d'acheter leur musique, bien sûr. Puis sinon, ben juste avant ça, comme on disait, des petits clins d'œil aux années 90 avec une reprise de Chris Isaak, Wicked Game, par le groupe finnois HIM, qui est un acronyme qui voudrait dire His Infernal Majesty, en 1998. Chanson qui était précédée, pourquoi pas, de Salt and Pepper avec leur succès Shoop de 93. Et j'espère que vous avez apprécié la voix magnifique et d'une justesse incroyable de Hayley Reinhart juste avant avec le fameux Postmodern Jukebox qui fait fureur sur les internets avec leur reprise à l'ancienne de Creep de Radiohead. Une version qui date de 2015 et qui est rendue en date d'aujourd'hui à pas moins de 67 millions de vues sur YouTube, imaginez-vous. Mais le talent est au rendez-vous. Par contre, Hayley Reinhart a un contrôle assez peu commun sur sa voix. Elle passe d'une voix rauque à un petit filet de voix d'une pureté totale en 2 secondes. Vraiment très impressionnant. Une chanteuse qui semble vraiment considérer sa voix comme un instrument. Ça fait du bien de voir ça. Une fille qui s'était tout d'abord fait remarquer lors de la 10e saison d'American Idol, imaginez-vous. Et sinon, on a entendu My Boy Lollipop, gros succès ska jamaïcain de 1964 de Millie Small, qui l'avait reprise des Cadillacs, dont on a brièvement parlé la semaine passée, et qui suivait de manière tout à fait inattendue White Zombie avec un de leurs plus gros hits, Thunder Kiss 65 en 92. Et nous, ben, on y retourne déjà parce qu'on a plein de stock à faire jouer. On y retourne avec un gars qui nous vient de Nouvelle-Zélande, grosse scène indie là-bas, cofondateur du groupe de Brunettes. Mais on l'écoute en version solo avec sa pièce You're So Cool de 2018, Jonathan Bree, 99.1 et 88.9, CFNJ. So fit, so full of spark, with affirmations as your wall art. You were driven, eyes on the prize, a yoga routine. Size. hard-fought endeavors, bringing diminished returns. You're so cool, it's true. You're my kind of girl. Keep you till the end. Thank you. I'll find you in the end. You'll find out just who was your friend. Don't be sad, I know you will. But don't give up until true love will find you in the end. This is a promise with a catch. Only if you're looking can it find you. This true love is searching too. But how can it recognize you unless you step out into the light, the light? Don't be sad, I know you will. But don't give up until true love will find you in the end. Au 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomanes avec Mathieu Lajoie. Laissez sa trace sur un gâteau. Laissez sa trace sur un gâteau. Laissez sa trace sur un verre d'eau. Laissez sa trace sur un verre d'eau. Laissez sa trace sur un carreau. Laissez sa trace sur un carreau. Laissez sa trace sur un bureau. Laissez sa trace sur un bureau. C'est facile. C'est facile. L'hiver laissez sa trace dehors. L'hiver laissez sa trace dehors. C'est beaucoup plus facile encore. Il n'y a qu'à se laisser marcher. Il n'y a qu'à se laisser marcher. Il n'y a qu'à se laisser marcher. Il n'y a qu'à se laisser marcher. C'est facile. C'est facile. L'écureuil le fait. L'écureuil le fait. L'écureuil et le moineau. L'écureuil et le moineau le font. L'écureuil, le moineau et le chien le font. L'écureuil, le moineau et le chien le font. L'écureuil, le moineau, le chien et le chat le font. L'écureuil, le moineau, le chien et le chat le font. L'écureuil, le moineau, le chien, le chat et le pigeon le font. L'écureuil, le moineau, sur la neige. On est sûr de laisser sa trace. On est sûr de laisser sa trace. C'est facile. Fear them. We've got a hot one for you. Fear them. Fear the man who is without love, and the lover who lives without fear. Fear the man who always wants to fight, he's not a talker. Fear the talker who never wants to fight, he's got no guts. Fear the man who knows he's gonna die, so he cries every night and just denies his life's beauty. And fear the man who has heaven in his plans, so he gets so complacent that he doesn't call his family. Fear the man who doesn't understand that there's a million fish in the sea. Fear the girl who he really thinks is a different species. She'll rip your heart out. She makes my Mondays feel like Fridays. She makes my Ruby Tuesday taste like Penny and Honest. And all I really want is for us to get along. For us to get along. She makes my Mondays feel like Fridays. She makes my Ruby Tuesdays taste like Penny and Honest. And all I really want is for us to get along. For us to get along. My girl moved away, can't help but think there's something that I say that makes her flee my loving arms and smiling face. And move to a place where nobody even lovingly says her name. You know, it's something that I do, like not text back for a day or two, that says she deserves someone better. But every single guy she's ever loved to me sounds really fucking dumb and stupid. If I become a man, I'll grab your cheek with my unwavering hand. I'll tell you that I never second guess all the love we made. And you don't want kids, but let's think about it someday, you know. But you moved away, yeah. I grabbed you tight and then helped you to your car in a shitty parking lot, you know. I really miss you, and I hope that you miss me too. I really hope that you miss me too. She makes my Mondays feel like Fridays. She makes my Ruby Tuesdays taste like Penny and Honest. Really want is for us to get along. For us to get along. She makes my Mondays feel like Fridays. She makes my Ruby Tuesdays taste like Penny and Honest. And all I really want is for us to get along. For us to get along. 1, 2, 3, 4, 5, 6, do it. Beautiful films, the hopeless protagonist dies in the end. And whether his eyes stay shut or he just stops caring enough, it feels the same. You made my Mondays feel like Fridays. You made my Ruby Tuesdays taste like Benihana's. And all I really wanted was for us to get along. Encore une fois, très éclectique ce soir, c'est le moins qu'on puisse dire, en cette 10e édition du Radio Pirate Méloman, toujours sur les ondes de CFNJ, bien sûr, 99.1 et 88.9. Et Hobo Johnson, nouvelle sensation qu'on vient d'entendre avec Move Away, qui vient tout juste de sortir vendredi passé. Je pense que Méloman n'a jamais été plus hip que ça. Méloman dans le vent, Méloman, tendance. Vous pourrez pas dire qu'on ratisse pas large. Donc, bref, Hobo Johnson, un gars d'origine mexico-portugaise ou portugo-mexicaine, je sais pas comment on dit, en plus d'être américain de Californie, un gars dont vous allez fort probablement entendre parler bientôt. Assez unique en son genre, histoire particulière, texte assez particulier, un gars qui a vraiment son monde à lui. Donc vous irez voir ça, Hobo Johnson, qui était précédé ici, et oui, d'un moment de pure nostalgie pour plusieurs d'entre nous, dépendamment de votre âge, bien sûr. Une composition de Pierre F. Brault et de Bernard Tanguay, toute droit sortie du 10e épisode de la 3e saison de Passe-Partout. Un épisode ayant pour nom Lourd et léger. On a entendu Laisser sa trace de 1979. Une belle naïveté qui est pas sans nous rappeler celui qu'on a entendu juste avant et qui est malheureusement décédé très jeune la semaine passée, au jeune âge de 58 ans. J'en avais parlé brièvement en début d'émission la semaine passée. On parle de Daniel Johnston, carrément l'enfant chéri de toute la scène alternative indépendante, l'esthétique lo-fi bien avant son temps. Ce qu'on a entendu, c'est probablement son plus grand classique, True Love Will Find You in the End, 1985 quand même. On va entendre ce son-là beaucoup plus tard, dans les années 90, où ils vont inspirer des milliers de gens à prendre une guitare et s'enregistrer dans leur cuisine. Et à laisser ça comme ça, tout simplement. C'est ça l'esthétique lo-fi qui veut dire le contraire de hi-fi, très punk comme idée, le fameux do-it-yourself attitude qui a été si inspirant pour nombre d'artistes. Mais bref, Daniel Johnston, c'était ça, un gars qui faisait lui-même ses albums chez lui et après ça qui vendait ses cassettes lui-même jusqu'à ce qu'il se fasse remarquer par un label ou que des gens comme Kurt Cobain soient vus en public portant un t-shirt de son album. Malheureusement, c'est un gars qui a souffert de problèmes de santé mentale longtemps dans sa vie, mais c'est tout ça qui faisait de Daniel Johnston un personnage haut en couleur, très aimé par plusieurs. C'est pour ça que ça a créé toute une onde de choc la semaine passée. Et sinon, juste avant ça, encore un groupe québécois à découvrir qui, cette fois-ci, sont plus dans un grunge, stoner, bluesy un peu. J'ai nommé les puissants Prieur et Landry, qui sont juste deux, mais qui sont lourds comme cinq. Et là, j'insiste, si vous les voyez passer dans votre bout, allez les voir en show, c'est toute une expérience. On les a entendus ici avec Faded Childhood Blues, sorti, si je ne m'abuse, en avril de cette année. Et on y retourne encore avec un autre Québécois, un gentil fou à découvrir de son plus récent album de 2016 avec les huîtres de Julie Payette. On écoute Violette P au 99.1 CFNJ. J'ai lancé ma vie à l'aide d'un élastique attaché à des barils de pétrole à portée de la corde au cas où je ne serai plus seul. Je m'attache plus souvent que je ne décolle. Il n'y a rien de grave, mais tout est important. Je ne tue pas tous ceux qui déconnent. Je parle un peu plus et j'enlève mes gants blancs. Je suis sûr que mes mains tatouées bétonnent prêtes au décollage. Direction les nuages, en apesanteur avec toi. En apesanteur, en apesanteur, en apesanteur avec toi. Je n'ai plus peur, aucun vertige. En apesanteur avec toi. C'est ce que j'aime à l'aide d'un élastique attaché à une bouteille d'alcool. Rattraper ma crise en poème sincère. Tu sais, les paroles parfois sont énormes. Elles soignent les fous, elles filtrent les piscines. Comme un thé vert en feu, élimine les toxines. Et tes jolies lèvres me rappellent à chaque fois que je me lève que je suis un astronaute en herbe. En apesanteur avec toi. En apesanteur, en apesanteur. said to me. I thought I bored me, but I learned to think like you. Now nothing bores me, that's that nothing is thought through. Au 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomane avec Mathieu Lajoie. T'es belle, t'as le charme d'une sirène. Même que je me demande si t'es réelle. De loin tu brilles comme une chandelle. Quand je m'approche, tu disparais. Là, je m'excuse si je te parle en schizophrène, avec toutes mes peurs irrationnelles. Mais t'es peut-être ben la première à faire tomber ma citadelle. Oiseaux m'envoient un signe, un grand V pour vendetta. Ça va sauter, y'a rien de solide. Me ferais-tu un bon cœur de tes bras? Avant tu me guidais comme un phare, mais là je te perds dans les blizzards. Puis je m'excuse si j'arrive toujours en retard au rendez-vous du cœur à la fête. Mais t'es peut-être ben la première à briser la brise. Ma tempête. Je crois que les panneaux nous envoient un signe. Chaussée glissante sous zéro. Faudrait pas faire un faux pas. Me laisserais-tu tenir ton bras? Et toujours à Mélomane, édition Radio Pirate ce soir au 99.1 et 88.9 CFNJ, où on vient d'entendre un petit bijou qu'on devrait définitivement entendre beaucoup plus souvent. Nicolas Gému, tout jeune, une plume hyper mature pour son âge. On n'arrête sans doute pas de lui dire, mais c'est vrai, on a entendu Bunker de tes bras tiré de son album Hibou, qui vient tout juste de sortir au mois de juin dernier. Allez écouter ça, ça vaut vraiment la peine. Sinon, juste avant, on était dans l'indie rock avec Big Dipper de 94, un classique de Built to Spill, un groupe très important de la musique indépendante aux États-Unis. D'ailleurs, ils seront à Montréal le 21 septembre prochain à surveiller. Et c'était précédé d'un groupe moitié américain, moitié néo-zélandais. On avait parlé d'un autre artiste de Nouvelle-Zélande tantôt. Ici, le groupe Unknown Mortal Orchestra avec l'excellente Jello and Juggernauts de 2011. Et c'est déjà tout. Sinon, pour nous ce soir, c'est le temps de se dire à mercredi prochain, 20h, pour un autre Mélomane. Et je vous laisse avec un ou deux groupes, dépendamment du temps qui nous reste, hyper influents, chacun dans leur branche. Soit d'une part pour ce qu'on va appeler le shoegaze avec My Bloody Valentine, et de l'autre pour ce qu'on va appeler plus tard le post-rock. On écoute une chanson qui rend hommage au poème épique de Samuel Taylor Coleridge, The Rime of the Ancient Mariner. Good morning, Captain. De Slint au 99.1 CFNJ. Bonne nuit. Started, his breath was still.